Chapitre 4. C'était après la guerre que Fourcy avait acheté sa maison de Nogent. En se promenant un dimanche avec sa femme et ses deux jeunes enfants pour visiter les positions occupées par les armées et se rendre compte par les yeux des combats dont ils avaient lu ou entendu les récits, ils étaient entrés dans une propriété où l'on avait établi une batterie. C'était dans la grande rue. Au milieu des maisons, ils avaient trouvé une allée ouverte entre deux murs garnis de lierre du haut en bas, et en la suivant, ils étaient arrivés sur une pelouse qui s'étalait entre des communs et une grande maison de belle apparence, sans trop savoir où ils allaient, et surtout sans se douter de la vue qu'ils allaient rencontrer là. À leurs pieds, ils avaient la Marne, dont le cours, gracieusement arrondi, était dessiné par une double ligne d'arbres qui, çà et là, au caprice des branches et du feuillage, ouvrait des perspectives changeantes sur les eaux miroitantes de l'arrière. À leur gauche, le viaduc du chemin de fer passant à travers les cimes des peupliers, à leur droite, le village de Joinville se profilant nettement sur le ciel. Enfin, en face d'eux, au-delà des prairies, les coteaux qui montent doucement pour aller finir d'un côté à Noisy et de l'autre à Chennevières, se perdant dans les profondeurs vaporeuses. On était au printemps et il faisait une de ces journées de bonne chaleur et de lumière gaie où l'on se sent heureux de vivre. Après être resté enfermé pendant 8 mois privé d'air et de verdure, cette sortie dans la campagne, avec un horizon où les yeux s'enfonçaient librement, était une griserie pour eux. Tandis que le mari et la femme, assis sur un arbre rabattu dans les herbes, regardaient le panorama qui se déroulait devant leurs yeux, les enfants jouaient dans le jardin à escalader à 4 pattes les épaulements de la batterie ou à courir à travers les gazons coupés d'ornières creusés par les caissons et les prolonges. Élevé au milieu d'une pelouse à l'un des angles de la maison, celui-là même d'où la vue s'étendait librement sur les coteaux opposés, cette batterie avait naturellement attiré les obus prussiens, dont quelques-uns avaient atteint la pauvre maison, éventrant la toiture et déchirant sa façade. Comme il n'y avait rien à prendre dans cette maison abandonnée et pillée plusieurs fois, elle était ouverte à tout venant, sans qu'il y eût là un jardinier ou un concierge pour la garder. Cependant, elle était à l'intérieur moins dévastée que bien d'autres, et cela précisément parce qu'elle avait été exposée au bombardement, les obus allemands lui ayant été plus cléments que ne l'eussent été les francs-tireurs ou les mobiles s'ils l'avaient occupée. Ainsi les portes, les lambris, les parquets n'étaient point brûlés, les marbres des cheminées n'étaient point tailladés à coups de sabre, les glaces n'étaient point percées de trous de balles, et les pièces où n'avaient point pénétré les éclats d'obus étaient à peu près intactes. Justement, ces lambris et ces cheminées étaient fort jolis, car la maison datait de la fin du XVIIIe siècle, et tout ce qui était décoration avait été traité dans le goût de l'époque. Il y avait là des chambranles, des moulures, des dessus de portes en marbre et en bois, qui étaient des œuvres d'art charmantes. La visite de M. et Mme Fourcy avait été longue, non pas que Fourcy prêtât grande attention à ses sculptures, il ne connaissait rien aux œuvres d'art, non pas que Mme Fourcy se donnât la peine de les admirer. Elle ne s'intéressait ordinairement qu'aux choses qui lui appartenaient ou dont elle pouvait tirer parti. Mais parce que la maison était vaste, distribuée en pièces nombreuses avec 2 petits cabinets, des coins et des recoins, et aussi parce qu'ils éprouvaient un certain plaisir dont ils ne se rendaient pas bien compte à se promener dans ces appartements sonores où retentissait le bruit de leurs pas et de leurs voix. Enfin, ils étaient sortis. Alors, l'idée leur était venue de parcourir les jardins dont ils n'avaient vu que l'ensemble. Ils étaient assez étendus, ces jardins, et divisés en 2 parties. L'une, la plus voisine de la maison, dessinée en pelouse et en bosquet, avec des allées de vieux arbres, l'autre, inclinée vers la rivière, partagé en carrés réguliers et en plates-bandes de potagers avec des arbres fruitiers en ce moment blanc de fleurs. Lorsqu'ils étaient arrivés à l'extrémité de ce potager, ils avaient trouvé une vieille femme à genoux dans un carré et coupant avec une faucille un gros paquet d'herbes, et cela non pour nettoyer ce jardin abandonné, mais pour en nourrir sa vache. « C'est-y que voudriez acheter la propriété ?» avait demandé la vieille en les regardant curieusement. « Elle est donc à vendre ?»« Elle y est et elle n'y est pas. » C'est-à-dire que la propriété voudrait bien la garder, mais elle n'aura jamais les moyens de la remettre en état. Pour lors, il faudra bien qu'elle la vende. Ils n'avaient pas continué la conversation, et quittant le village, ils étaient descendus au bord de la rivière qu'ils avaient longée, Fourcy ne parlant pas et paraissant réfléchir. Tout à coup, il s'était arrêté, se tournant vers sa femme. « Si nous l'achetions, acheter quoi ? La maison ?» Et montrant la façade qu'on apercevait à travers les branches, « Regarde comme elle a bon air et dans quelle admirable situation elle se trouve. »« Acheter une maison à Nogent, quelle idée !»« Et pourquoi acheter une maison à Nogent est-il plus une mauvaise idée qu'en acheter une à Saint-Cloud »« parce que Saint-Cloud est autrement habité. » Il n'avait point répliqué, mais le lendemain soir au dîner, il avait raconté qu'il était revenu à Nogent, que décidément la maison lui plaisait tout à fait. Elle était à vendre, et on pourrait l'avoir pour un bon prix. Sans doute il y aurait des réparations, mais elles ne seraient pas ce qu'on pouvait croire après un premier examen. Il avait amené avec lui un architecte qui lui avait donné un devis approximatif. Enfin, toutes les raisons justificatives qu'on trouve aisément et qui abondent lorsqu'on est sous le coup d'un violent désir. « Si tu voulais la revoir, tu me ferais plaisir. Alors je la verrai demain. » Le lendemain, en effet, elle l'avait visitée de nouveau, mais cette fois dans des dispositions autres que la première, par le fait que ses marbres et ses boiseries, pour lesquels elle n'avait eu qu'un coup d'œil indifférent, pouvaient lui appartenir. Ils avaient pris le mardi une importance qu'ils n'avaient pas eue le dimanche, et elle leur avait trouvé des mérites qu'elle n'avait pas tout d'abord aperçus. Le point de vue aussi lui avait révélé des beautés qui lui avaient échappé, et Nogent n'avait plus été trop inférieur à Saint-Cloud. Évidemment, on pouvait tirer parti de cette vaste maison construite à une époque où le prix matériaux et de la main-d'œuvre permettaient des développements que de nos jours des millionnaires seuls peuvent se payer. Elle avait grand air. En rentrant le soir et en retrouvant son mari qui l'attendait impatiemment, Madame Fourcy n'avait rien dit de cette dernière considération, mais elle avait reconnu que les objections qui s'étaient présentées le dimanche contre cette maison de Nogent n'existaient plus. Pour les enfants, il était bien certain qu'elle avait des avantages. Et pour nous, n'en a-t-elle pas? Crois-tu que ce n'est pas pour moi un vif, un très vif chagrin, de n'avoir pas encore pu t'offrir une maison de campagne digne de toi? Sans doute, depuis quelques années déjà, nous aurions pu acheter quelques maisonnettes. Mais je ne veux pas que tu demeures dans une maisonnette où tu seras à l'étroit et qui ne serait pas un cadre convenable pour ta beauté. Celle de Nogent, est-ce qu'il te faut? Je te vois venir au-devant de moi sous l'allée de tilleul quand je rentrerai. Et je te vois aussi avec ton ombrelle, assise comme châtelaine sur la terrasse en face de la Marne. Tu seras là à ta place. Tu sais bien que si j'ai jamais souhaité la fortune, ça a été pour toi, pour te faire une niche qui ne soit pas indigne de ma divinité. Bon Jacques, est-ce qu'il y a une plus grande joie au monde que de travailler pour sa femme et ses enfants? Voilà une satisfaction dont les riches sont privés. Ils en ont d'autres, sans doute, mais ils n'ont pas celle-là qui vaut bien les autres. Enfin, comment la payer cette maison? As-tu l'argent? Je l'aurai. Tu l'auras bien mieux si, au lieu de travailler exclusivement pour ta banque, tu avais voulu, comme je te l'ai demandé 100 fois, travailler un peu pour toi. Je n'étais pas mon maître, je me devais à celui qui m'employait. Tu m'as dit cela 20 fois. Il faut bien que je te le dise encore, puisque tu y reviens. Je n'y reviens que parce que tu vas te trouver en présence d'embarras qui ne te gênerait pas à cette heure si tu avais voulu. Si j'avais pu, en faisant des affaires pour mon compte, j'aurais mal fait celle de la banque Charlemont. Ne discutons pas cela. Dis-moi seulement comment tu espères payer cette maison. Si elle n'est pas vendue plus de 100 000 francs, comme j'ai tout lieu de l'espérer, cela me sera facile, et même je pourrai faire les réparations sans lésiner. Seulement, nous serons pris de court pour l'ameublement. Mais en nous tenant dans une sage réserve, surtout en allant lentement, nous arriverons, nous serons à la campagne, non à Paris. Il y a de si jolies choses à bon marché. Donne-moi le soin de l'ameublement. Laisse-moi faire comme je voudrais, et de mon côté, je te laisse toute liberté pour l'acquisition et les réparations. Livre-moi la maison, je la meublerai sans beaucoup dépenser. Comment? Tu verras cela. Le beau ne se trouve pas réuni au bon marché dans le neuf. Pour l'avoir, il faut attendre des occasions. Laisse-moi les chercher.